L'identité, c'est bien. Et l'Europe s'est faite sur le respect des identités. Mais l'idée identitaire, l'identité contre les autres, ça, ce n'est pas bien. Comme l'a dit un auteur français, Romain Gary, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Pourquoi laisser à penser que c'est par des solutions simplistes que l'on peut résoudre des problèmes politiques, économiques, sociaux d'une extrême complexité? Pourquoi faire croire que dans un contexte mondialisation, le retour à la case nationale est une réponse viable, ou pire encore, la solution à tout? Et surtout, pourquoi ajouter aux difficultés réelles des Européens des tensions alimentées par des discours teintés de populisme qui accusent l'autre, l'étranger, de tous les maux? Je l'ai dit et je le redirai toujours. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance n'ont pas leur place en Europe. Ils sont contraires à nos valeurs, contraires au sens même de notre projet de vie commune, contraires au destin partagé que nous avons choisi.